fuit au fond de nos mémoires, des mots, des rêves qu'on n'oublie pas. Est-il déjà trop tôt ou trop tard pour les voir enfin comme je te vois? Tout le monde à refaire et tout y passe, sûr de ne jamais prendre ce chemin-là. Quand tout remonte à la surface, au bout du compte, rien ne s'efface. Je le sais, je le sens, le poids du temps qui passe chaque jour m'obsède sans détour. Vers toi il me ramène. Même histoire depuis la nuit des temps, les mêmes pages, la même peur dedans. Des nuits trop sombres, blanches d'adolescents, me vois-tu avec mes yeux d'enfant? Des airs, des notes comme une odeur tenace, des parfums que l'on porte à même la face. Quand tout remonte à la surface, au bout du compte, rien ne s'efface. Je le sais, je le sens, le poids du temps qui passe chaque jour m'obsède sans détour. Vers toi il me ramène. Je le sens, le poids du temps qui passe chaque jour m'obsède sans détour. Vers toi il me ramène.